sans savoir qui vous étiez, sans un mot, un silence est entré. La vêtue de noir, un petit espoir, à vous demander l'utilité s'il achetait. Et un fossé devant à éviter. Là aujourd'hui, comme une déesse, comme un messie, ce soir pour éviter le monde et bousculer dans ce carrefour rayon électroménager, sans grand discours que des mains qui chuchotaient, accompagnées de et de personnes. Et moi, je me demandais comment. Pour vous parler, je me suis perdu dans les rayons à essayer de vous croiser. Pour un regard de votre part, ma foi bien évitée, je suis reparti sans un petit cœur gonflé. Ouais, j'ai perdu la lueur de la sortie là par erreur. J'ai couru sur le parking croyant sauter sur votre fil, mais j'ai chuchoté dans les paniers qui sont pas bon marché. J'ai cru vous voir dans ces couloirs de supermarché. J'ai dû courir pour me tromper. J'ai pris sur moi en me disant que je ne reverrai pas. Que les poèmes et les histoires se trouvent, se lisent dans les gares. Et je suis reparti vers l'infini du nulle part. Je suis reparti, mais à plus tard. Mais à plus tard. Mais à plus tard, vêtu de noir. Et à plus tard, un petit espoir. Et à plus tard. De noir et à plus tard, un petit espoir, petit cœur sur un fil, et je regardais, voilà, derrière moi, oh.